attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Hier encore, on t'a vu avec un skinhead là au coin de la rue et tu viens me raconter tes mythos, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais Sinistre, je t'aime. Ouais, c'est ça, moi aussi je m'aime. Eh bien, bonne celle-là. De conquête en conquête, en fin de compte, je compte plus les meufs que je pète en fin de compte, je suis compétent, attends. Te cause pas des miches d'Annie ou de Fatima. Sans bluff sur la vie de ma Marianne était la sœur d'un keuf. Elle me disait, veux du black solide. Elle me disait, c'est Pinko disait que l'homme noir au pieu symbolisait le sexe fort, l'homme wicked, le moins speed. David de Huck, pour ma gueule, elle fait des rêves humides. Elle me kiffe, elle me griffe dans le dos comme une sado. Et comme Sando, Khan, je suis bandido, mais kiffe clando. Immigré dans son cœur, elle m'accueille avec la joie d'avoir un mec pour la vie, de faire des mots impeccable. Veux me faire des couilles en roro. Avoir mes faf, un taf légal, un pavé, me tenir à carreau. Carré, belle retraite, n'est-ce pas? Tu pars d'une vie, attends la suite, ses parents ne me connaissent pas. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait qu'entre nous se pose un gros problème. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout, passionnément. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait qu'entre nous se pose un gros problème. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait contre nous se pose une boîte extrême. Elle est d'une famille saoulée ou les droits de l'homme sont foulés, aux pieds refoulés. Le noir, le beurre, garder l'argent du beurre pour se la couler. Douce dans des bigsons, mais le premier met les filets. Pour Chanda, Marianne remarque que malgré moi, je ferai un bon mari. Propose de faire la connaissance de son père Jean-Marie. C'est pas la peine. Je rentre chez lui. Le diable à l'œil de fer me guette comme si j'allais y passer la nuit, c'est dead. J'suis en tête. Mon quête j'ai mis à prix dans une famille de bêtes. PD, j'crée des troubles comme chez Tan. Partage Marianne entre sa douce France, sa Gaule et ma Gaule, sa douce drogue. L'ambiance temporelle, temporairement autant pour elle. Car de mon côté j'me dis ma prunelle, protège-la. Tu passes des nuits avec ton espionne dans ta fausse pucelle, tège-la. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait contre nous se pose un gros problème. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout, passionnément. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait contre nous se pose un sinistre. Si Mac contrôle les meufs, les bandas. Si l'amour rend aveugle et si c'est un piano, je suis Stevie Wonder. Mais bouche à bouche, débouche à la débauche. Sans pression, pas besoin de mettre de droite pour qu'elle vote à gauche. Marianne continue à me voir en scred. Derrière le dos de son père, sa mère et de son frère skinhead. Après tout, qu'est-ce qu'ils me feront? Je leur ferai à fond et ferai couler une sueur sur leurs fronts nationaux. Ici on sait que leur place est dans l'opposition. On garde quand même un œil sur eux face au sniper position. Leur môme nous aime, même si papa gronde. L'un de grand séduit, Marianne me cède sa France profonde qui me suit. Dans mon itinéraire de bandit, malgré mon rap, est-ce qu'on dit sur elle lui? M'aime, est-ce que la France m'aime? Malgré moi et mon HLM, elle t'aime. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout, passionnément. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand elle m'aime, elle sait contre nous se pose un gros problème. Mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Un peu beaucoup à la folie, pas du tout, passionnément. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle m'aime? Quand